Ok. Yo, yo, yo. Aïe, aïe, aïe. 9-1, 9-1. Ça vient du 9-1, 9-1. On a faim. MDB. Aïe. B-b-b-b. Yo. C'est toujours du violent quand on pond des sons. J'ai tellement la corde au cou que ton rap est victime de pendaison. Au micro, je te casse ta bouche. Faudrait casser bleu. Mauvais œil me guette. C'est pas par maladresse que je trébuche. J'suis dans un délire où je m'amuse puissance 6. C'est pour ça que je te gère 20 bad trip. Puissance 6. Qui ça arrive donc? Faites place au vrai. Si je barote avec une paire de cartes, j'tiens à la sauvette. Sur ce morceau, je crache pas le morceau. Non, jamais j'avoue. Me casse plus les couilles pour ma promo. J'laisse faire les jaloux. Toujours violent mes aides. Seul pour assurer. Dans la rue c'est des suspects, ça joue les fous sur MSN. J'vole que du net, rouge sur mes prunettes. J'attends plus d'aide, j'rappe la voix cassée comme Patrick Bruel. L'état est die, j'rappe la médaille. J'le casse ta gueule, même si t'es champion du monde de Muay Thai. Un gros whack pour tous les fils de commissaire. C'est là c'est pour les auditeurs qui se plaignent d'être mal viscères. Ils se demandent qui c'est, le son est bizarre. C'est qui ça, RATH qui sert? RATH qui sert? Un gros whack pour tous les fils de commissaire. C'est là c'est pour les auditeurs qui se plaignent d'être mal viscères. Ils se demandent qui c'est, le son est bizarre. C'est qui ça, RATH qui sert? RATH qui sert? Bébert, à la recherche de bébête. C'est à chaque fois que je me faisais bête, j'aurais mangé perpète. Bébé remue ton cul, façon ma pouca. Et ça part en couille comme confronté à celui qui m'a pouca. Du sky dans la carafe, même dans le Sahara. Et sous la merde comme quand je suis bourré au commissariat. C'est vrai que je perds la raison et que j'ai rarement tort. Je m'enfiltrerai pas trop souris parce que trop de drames m'entourent. Y'en a trop qui perdent la face devant une paire de fesses. Moi je veux être père d'un fils que si tu le testes tu perds l'office. Sur un son lourd je veux briller comme MC Solar. J'ai pas le sourire mais je garde la pêche même si les soucis sont là. Sous-cellé en sous-sol, on s'isole avec cette tissu. C'est pas le zoo, que des mecs qui jouent les ors une fois sous CC. K.I. 2 CC, voilà mon place pour les indiques. I.L.Y.A, c'est mon prénom pour les intimes. Un gros whack pour tous les fils de commissaire. C'est là c'est pour les auditeurs qui se plaignent d'être mal viscères. Ils se demandent qui c'est, le son est bizarre. C'est qui ça, RATH qui sert? RATH qui sert? Un gros whack pour tous les fils de commissaire. C'est là c'est pour les auditeurs qui se plaignent d'être mal viscères. Ils se demandent qui c'est, le son est bizarre. C'est qui ça, RATH qui sert? Troisième complexe, j'écris après m'être fessé sur. La meuf m'a dit, j'espère tu parleras pas de moi dans tes textes. T'inquiète bébé, le dossier ne tournera pas dans la tête. J'étais grave foncé, j'espère que j'ai mis le latex. J'ai un vécu tarbatar Bagdad. Même si mon rap fait un tabac, j'ferai jamais mon cash comme Tabata. Quand j'pose le chromie, tu connais le tarot. Les flics en savent plus sur moi que ma propre daronne. Va le délire, j'plane dans le ciel comme un satellite. Je casse le cul même si t'es bourré de cellulite. C'est l'élite, l'eau jumeau ça vend des litrons de meumeu. On est vache, mais pour l'oseille on baisse même les mamies. J'y sers c'est bénéfique comme braquer un camion d'art. J'suis un artiste, j'viens du sud, mais j'fuck la dirty. Un gros whack pour tous les fils de commissaire. C'est là c'est pour les auditeurs qui se plaignent d'être mal viscères. Ils se demandent qui c'est, le son est bizarre. C'est qui ça, RATH qui sert? RATH qui sert? Un gros whack pour tous les fils de commissaire. C'est là c'est pour les auditeurs qui se plaignent d'être mal viscères. Ils se demandent qui c'est, le son est bizarre. C'est qui ça, RATH qui sert? RATH qui sert? RATH.